Sois là le bienvenu, à toi le salut, que la paix soit avec toi pour toujours, où que tu sois, peu importe ta couleur, mêle-toi entre les cœurs, bien au-dessus du mépris des querelles et des conflits. Sois là le bienvenu, à toi le salut, que la paix soit avec toi pour toujours, où que tu sois, peu importe ta couleur, mêle-toi entre les cœurs, bien au-dessus du mépris des querelles et des conflits, apprendre à cohabiter. Dans le plus grand des respects. Assalam, salam, salam alaikum. Assalam, salam, salam alaikum. Des couleurs qui se mélangent et des sourires qui s'échangent. Assalam, salam, salam alaikum. Assalam, salam, salam alaikum. Sans faire de différence, au nom de la tolérance. Assalamualaikum dan selamat datang, selamat diucapkan ke atas kamu. Sejahtera jua hendaknya ke atas kamu, di sepanjang masa walau di mana saja. Tak kira apapun warna kulitmu, marilah kita satukan dua hati kita. Lupakan saja segala prasangka, perbalahan dan juga jurang perbezaan. Mari hidup bersama, mari hidup bersama di dalam rahmat Tuhan. Assalam, salam, salam alaikum. Assalam, salam, salam alaikum. Salam senantiasa walau di mana sahaja. Assalam, salam, salam alaikum. Assalam, salam, salam alaikum. Ku menghulurkan salam, salam adalah segalanya. Dans la main bâtissons notre destin pour des lendemains qui chantent enfin l'hymne de l'entente. Vivre libres et égaux et s'élever très haut sans haine et sans colère bien au-delà des frontières. Ni main dans la main bâtissons notre destin pour des lendemains qui chantent enfin l'hymne de l'entente. Vivre libres et égaux et s'élever très haut sans haine et sans colère bien au-delà des frontières. Répandre sans compter la paix, la liberté. Tiada perbezaan warna kulit, mari kita saling bertukar senyuman. Sesungguhnya tiada apa-apa perbezaan, sentiasalah hidup dalam persefahaman. Mari bersama bergandingan tangan, marilah kita bina destinasi bersama. Demi mencari hari yang bahagia, agar kita gembira di hari muka. Maju tanpa batasan, maju tanpa batasan, dalam aman dan damai. Assalam, salam, salam alaikum. Assalam, salam, salam alaikum. Des couleurs qui se mélangent et des sourires qui s'échangent. Assalam, salam, salam alaikum. Assalam, salam, salam alaikum. Ku mengulurkan salam, salam adalah segalanya. Assalam alaikum. Assalam alaikum. Assalam alaikum. Assalamualaikum. Sois là le bienvenu, à toi le salut. Assalamualaikum. Assalam, assalamualaikum. Assalam, assalamualaikum. Assalam.